Merci. Je vous salue, vous tous qui nous suivez pendant ce moment de prière. De là où vous êtes chez vous à la maison. Que le Seigneur vous bénisse parce que nous allons prendre du temps dans la prière. Nous continuons avec notre voyage que nous avons commencé hier. Hier, c'était la première nuit de prière. Aujourd'hui, la deuxième. Et nous terminerons vendredi. Sans oublier que demain, mercredi et jeudi, ce sera de moment à partir de 17h. Alors que Dieu te bénisse, toi qui me suis, ce soir. Et nous allons continuer notre voyage. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions remercier ensemble le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous donne. Je dis que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de prière. Prends la position qui te convient. Nous avons dit que c'est une lutte en pleine nuit. Une lutte en pleine nuit donne des résultats. Et nous voulons et nous croyons que nous aurons les résultats de notre prière. Et je t'encourage, bien-aimé. Dieu est fidèle. Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Alors nous allons d'abord le remercier et proclamer combien il est puissant, combien il est merveilleux. Regarde dans la parole de Dieu. Tu commences à partir de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, toutes ces choses-là. Tu commences à proclamer, il y a des passages qui vont te montrer la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, partout, il y a des choses que Dieu a faites qui montrent sa puissance. Commence à les proclamer. Ces choses vont activer ta foi. Et tu peux parler à Dieu, tu peux le remercier que ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Nous allons le remercier pour ces instants qu'il nous donne et nous allons nous recommander à la grâce de Dieu avant de prendre notre sujet d'aujourd'hui. Alors élève ta voix de là où tu es et commence à prier. Merci Seigneur, merci Jésus, je bénis ton nom. Je n'adore pas un Dieu mort. On n'est pas venu prier un Dieu mort. On n'est pas venu prier un Dieu qui ne répond pas. On n'est pas venu prier un Dieu qui est resté dans la tombe. On est là pour un Dieu vivant. On est là pour un Dieu grand. Un Dieu que la terre ne pouvait retenir, Jésus. Parce que la parole que tu as prononcée était puissante. Et les gens, ils ont dit, nous nous souvenons que cet homme a dit après trois jours, je reviendrai à la vie. Oh, si cela se réalise. Cette dernière imposture serait pire que la première. Oh, ils ont compris que ta parole était puissante plus que la mort. La parole de Jésus est puissante plus que la mort. Oh, c'est pourquoi ce soir, nous sommes là. Nous croyons en ta parole. Toute parole dite, prononcée par toi, elle est puissante. La Bible me dit que la parole du roi est puissante. C'est pourquoi ce soir, ta parole va encore agir avec puissance dans nos vies. Oh, le Dieu puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant, capable d'arrêter le cours de la mer rouge, capable de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ce soir, il y a des bien-aimés qui se retrouvent dans des situations où ils ne voient pas par où ils vont passer. Mais laisse-moi proclamer la puissance de Dieu dans leur vie. Que le Dieu qu'ils sont en train de prier, que le Dieu que nous prions ce soir, il est puissant. Il sait ouvrir les chemins là où les gens ne voient pas de chemin. Il connaît la clé de chaque chemin, la clé de chaque voie. Personne ne savait qu'en ces lieux-là, il y avait la clé pour la mer rouge. Mais toi, tu savais qu'il y avait la clé, il y avait la clé en ce lieu-là. Oh, c'est pourquoi je prie, je proclame ta puissance dans la vie de mon frère qui n'a pas de voix, qui se pose des questions, comment il va traverser telle ou telle situation. Que le Dieu que nous prions, il est puissant. Tu es puissant, tu es puissant, Seigneur, tu es puissant. Même dans le désert, les rochers, les rocs qui ne servent pas à donner de l'eau. Oh, les gens font des forages dans la terre, mais toi tu sais donner l'eau à partir du rocher. Oh, ce Dieu-là, c'est ce Dieu que nous invoquons ce soir, que c'est Dieu que nous prions. Nous avons dit, nous allons prendre du temps, une nuit de prière, une nuit pour invoquer ce Dieu-là. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Oh, laisse-moi bénir ton nom, laisse-moi élever ton nom, laisse-moi glorifier ton nom, laisse-moi exalter ton nom. Tu as ressuscité des morts, il y a eu des morts et des morts, Seigneur, mais quand ils étaient devant toi, Seigneur, tu les as ressuscités. Quand les gens ont prié, tu les as ressuscités. Il y a des maladies qui ont été guéries par ta puissance. Oh, ce soir, je crois et je proclame que nous invoquons un Dieu puissant, un Dieu puissant, un Dieu puissant. Tu as créé la terre par ta parole. Il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Oh, tu es puissant. Tu sais créer là où l'homme ne peut pas créer. Même là où l'homme n'existe pas, toi tu sais créer. Et tu sais amener l'homme là où tu as créé. Oh, je bénis ton nom. Je bénis ta présence. Je bénis ta puissance. Je bénis ta grandeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je suis dans le livre de Nombres, je vois Israël qui est dans une plaine. Il ne connaît rien. Pendant que Balaam et Balak font des imprécations pour le maudire. Mais tu es puissant pour protéger ton peuple. Même quand il ne sait rien. Oh, ce soir, merci Seigneur, le Dieu qui protège, le Dieu qui protège, le Dieu qui protège, c'est ce Dieu que nous invoquons, le Dieu qui protège, c'est ce Dieu que nous invoquons, le Dieu qui protège. Oh, sois béni, sois élevé. Il y a des gens qui sont atteints de maladies impossibles. Je me souviens dans la Bible, il y a eu 10 lépreux qui ont crié, Jésus, fils de David, aie pitié de nous, dans le livre de Luc. Et Jésus leur a dit, allez vous montrer sur les sacrificateurs. Pendant qu'ils allaient sur les sacrificateurs, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Une maladie incurable, une maladie incurable. Mais Seigneur, toi par ta parole, tu sais guérir. Oh, je suis confiant. Seigneur, ce soir, cette nuit, il y a des maladies qui vont tomber dans la vie de tes enfants par la puissance de ta parole. Il y a des maladies qui vont tomber dans notre vie par la puissance de ta parole, parce que tu es merveilleux, parce que tu es merveilleux. Oh, nous bénissons ce Dieu puissant. Nous sommes là, Seigneur, nous sommes là. Quand tu descends, tu agis. Quand on t'invoque, tu viens. Oh, merci, Seigneur. Sois élevé. sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon âme te bénit, mon âme t'élève, et sois l'honneur, la puissance et la gloire. Merci Seigneur, merci parce que nous nous approchons d'un Dieu puissant, le Dieu qui a fait ses preuves, le Dieu qui n'a plus rien à démontrer, Seigneur, parce que tout tu as fait et aujourd'hui tu continues à agir. Oh merci Seigneur, nous avons confiance en toi, nous avons confiance en toi, nous avons confiance en toi. C'est pourquoi mon âme te bénit, mon âme t'élève ce soir, mon âme t'exalte ce soir, mon âme exalte le Dieu puissant, le Dieu vrai, le Dieu qui aime la compagnie de l'homme. Chaque fois que tu descendais pour chercher l'homme, ce soir tu vas descendre pour nous chercher, pour chercher mon frère et ma soeur, là où il est, dans sa maison, parce qu'il croit en toi, parce qu'il invoque ton nom. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je te bénis ce soir, j'élève ton nom. Oh, tu es magnifique, tu es merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, continue à élever le Seigneur pendant quelques minutes, pendant qu'on nous joue encore en sourdine. Je voudrais que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ton cœur au Seigneur, que tu continues à le bénir. Dieu est puissant, frère, Dieu est puissant. Prends ce moment au sérieux. Dieu est puissant. Il est puissant. Ce n'est pas un Dieu qui n'a pas de main. Il a des mains pour te toucher là où tu es. Ce n'est pas un Dieu qui ne voit pas. Il a les yeux pour voir ta situation. Ce n'est pas un Dieu qui n'écoute pas. Il a les oreilles. Il écoute quand tu cries. Il écoute quand tu pleures. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Ta puissance est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Tu nous dis que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous croyons ce soir. Laisse que ta puissance se manifeste. Merci Seigneur. Bénis ces instants. Bénis ce moment. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous sommes là pour notre nuit de prière. Et notre voyage que nous avons commencé hier, c'est une semaine spéciale. Dieu aime des moments comme ça. Et dans la vie, il faut parfois s'arrêter pour chercher la face de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. Je commence à partir du verset 24 jusqu'au verset 32 et je vais expliquer. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Bien-aimé, j'aimerais déjà que tu retiennes quelque chose. Il luttait avec lui, pas contre lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'embouchure de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'embouchure de la hanche au tendon. Seigneur, merci pour cette parole qui est la source de notre miracle. Parce que la parole est Dieu. Et nous prions qu'au travers de cette parole, que nous vivions de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous parlons des résultats que Jacob a eu dans sa nuit. La nuit où il est resté seul. Jacob quitte Laban et Dieu lui dit de rentrer chez son, dans son pays. À un moment donné, Jacob a eu peur. Nous avons expliqué les causes de la peur de Jacob. Premièrement, il s'est rappelé des paroles de son frère Ésaü. Les paroles de son frère. Il y a des gens qui ont peur encore aujourd'hui. Parce qu'il y a des paroles prononcées sur leur vie, suspendues dans le monde spirituel contre eux. Le Dieu qui a donné la victoire à Jacob, qui te donne la victoire aussi à toi ce soir. Deuxièmement, il a eu peur. Quand il regarde les moyens qu'il avait par rapport à la situation qu'il devait affronter, il y a des gens qui ont peur parce que ils ont des moyens tellement rudimentaires, inutiles par rapport aux situations. Il s'est dit, je ne saurais pas. Je ne saurais pas atteindre ce niveau-là. Je ne saurais pas payer les études de mes enfants. Je ne saurais pas. Oh, toi qui te poses cette question, le Dieu qui a donné la victoire à Jacob, qui te donne la victoire aussi à toi. Et troisièmement, Jacob était dans un chemin de non-retour. Devant, il y a Ésaü qui vient avec une armée. Derrière, tout est gâté. Il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Il n'y a pas non plus moyen d'avancer. Mais il y a un moyen ce soir. Personne ne peut fermer la porte du ciel. Arrache ce moment de prière ensemble avec le Seigneur. Quand ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière, recours au Seigneur. Jacob a essayé. Il a fait précéder des messagers. On va y revenir dans les jours qui viennent. Ça n'a pas donné de résultats. Il a envoyé ses femmes, ses enfants. Un mois, il dit non, que je reste seul. C'est pourquoi je t'encourage, toi qui as pris la meilleure décision, de rester seul. Et il est resté seul la nuit. La Bible nous dit, il demeura seul. Et un homme lutta avec lui jusqu'au lever. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob s'est demi pendant qu'il luttait avec lui. Hier, nous avons commencé à parler des résultats de la prière de Jacob. Cette nuit-là, nous avons dit, sa démarche a changé. Sa marche a changé après la nuit. Je prie le Seigneur que la façon dont tes affaires vont marcher, ta vie, ta maison, l'église, toi-même, tes business, après ces nuits de prière, que cela ait un autre rythme. Pas que les hommes vont fixer, non, mais que Dieu va fixer. Les gens qui connaissaient Jacob avant, quand ils l'ont vu marcher, c'était une autre personne. Parce que la démarche de quelqu'un détermine la personne. On reconnaît une personne par sa façon de marcher. Donc quand Jacob a quitté cette nuit-là, oh alléluia, il est devenu une autre personne. Bien-aimé, tu seras une autre personne. Tu vas marcher différemment. Oh, je déclare sur toi, je déclare par le ciel que le rythme de ta vie change après celui de prière. Et nous allons prier pour ça. Nous nous sommes là, étends-toi par terre. Tout ça, le rythme de ta vie. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, je vois quelqu'un pour qui Dieu est en train de changer le rythme de sa vie. Les gens seront étonnés. Ils ne vont pas te reconnaître. Tu seras une personne différente. Tes business auront un autre rythme. Ton ménage, ton mariage, tes enfants, tes études, un autre rythme. Ton ministère est notre rythme. Parce que tu es en train de lutter cette nuit avec le Seigneur. Et nous allons prendre le temps pour lutter avec le Seigneur. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième, nous voulons parler ce soir. Jacob a eu des résultats. Et toi aussi, tu auras des résultats. Verset 26. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Waouh! Le plus fort, c'est celui qui retient l'autre. Parce que quand vous descendez plus bas, vous comprenez qu'il luttait avec l'ange de l'Éternel. Jacob, il dit: non, je ne vais pas te laisser partir. Que tu m'aies béni, je te retiens. Deuxième principe, deuxième résultat. Il y a des choses que Dieu t'a données, que Dieu t'amène, qui ne vont pas t'échapper. Tu auras la capacité de ne pas laisser échapper les grâces divines dans ta vie. L'ange ne pouvait pas partir jusqu'à ce qu'il ait béni Jacob. Jusqu'à ce qu'il fasse le travail pour lequel Dieu l'a envoyé. Il dit: non, ne pars pas. Il y a une mission. qui n'est pas encore terminé. Oh, ce soir, mon frère, il y a des choses qui ne vont pas t'échapper. Vous avez Abraham, quand il a vu les trois personnes, pendant qu'il était sous la tente, il a dit, non, venez, ne partez pas, ne passez pas loin de moi. Il les a retenus. Ce soir, tu vas retenir dans ta vie les grâces qui voulaient venir et passer seulement. Tu vas les retenir. Elles vont rester dans ta vie. Le bonheur ne vient pas pour passer. Il vient pour demeurer dans ta vie. Rester avec toi. Comprends ces choses. Comprends ces choses. Et nous allons prier pour ça. Troisième principe. Ce soir, je vais m'arrêter à ces trois principes. Il lui dit, quel est ton nom? Et répondit Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Mais jusque-là, Jacob est seul. La nuit, comme toi, avec Dieu, avec l'ange de l'Éternel. Dehors, non loin, quelqu'un est fâché contre lui. Jacob a tout oublié. Il a essayé de changer cet homme-là. Cet homme-là n'a pas changé. Alors il reste avec Dieu. Pour vaincre l'homme qui est à l'extérieur, Dieu le change lui. Il lui dit, quel est ton nom? Non, tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Ésaü avait des problèmes avec Jacob. Et cette nuit-là, Jacob n'était plus là. C'était une autre personne qui sortait. Israël. Tu sortiras cette nuit avec une autre identité. Et les ennemis qui t'ont cherché, ils ne verront plus l'ancienne personne. Dans la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il est devenu une nouvelle personne. L'identité a changé. Oh, ce soir, Dieu va changer ton identité. Ce soir, il y a des grâces qui ne vont plus t'échapper, qui ne vont pas passer et te laisser sans te toucher. Et à ce qu'on a dit hier, le rythme de ta vie sera changé. Voilà les trois résultats. Il y en a eu six. On s'arrête aux trois résultats aujourd'hui. Parce que j'aimerais qu'on prie pour ces trois résultats. C'est une nuit de prière. Alors que Dieu te bénisse, toi qui me suis, prends bien la position qui te convient comme moi. Chacun de nous va se plonger maintenant en prière. Nous voulons prier. Dieu est un Dieu qui change l'identité. L'identité. Bien-aimé, Joseph a eu un rêve. Mais pour être élevé, il avait l'identité d'un prisonnier. Ce n'est pas l'identité des hommes qui importe. C'est ce que Dieu te donne. Jésus s'est humilié jusqu'à mourir. La Bible dit que c'est pourquoi dans Philippiens, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Dieu a changé son identité. Et vous allez comprendre, Jean avait toujours sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais à un moment donné, il ne reconnaissait même pas le Seigneur. Oh, je prie ce soir. Le Dieu qui a changé l'identité de Jacob. Les hommes te connaissaient prostituée. Les hommes te connaissaient méchante. Les hommes te connaissaient quelqu'un qui a échoué à l'école. Les hommes te connaissaient tel qu'ils te connaissent. Mais ce soir, Dieu va changer ton identité. Il y a des choses qui sont venues dans ta vie. Jusque-là, tu n'as pas eu de résultats. Jacob a dit, non, tu ne pars pas. Il faut me bénir. Laisse les résultats pour lesquels tu es venu dans ma vie. Frère, Dieu, quand il est dans notre vie, il y a des résultats. Et puis le rythme va changer. Alors, je prends d'abord les deux sujets d'aujourd'hui. Et puis si nous avons le temps, nous allons revenir au sujet d'hier. Alors, tu vas prier avec moi. Seigneur, maintenant, ne quitte pas ma vie sans me bénir. Toutes les grâces que tu as prévues dans ma vie. Jacob disait, tu dois me bénir. Il savait que la nuit avec Dieu, il y a une bénédiction. Frère, la nuit avec Dieu, il y a une bénédiction. Que c'est grâce. Sois sur toi. Si tu es malade, dis à Dieu, non, non, c'est la nuit. Ne pars pas sans me bénir, sans me guérir. Si tu as des problèmes, tu as des problèmes de monde des ténèbres, dis à Dieu, c'est la nuit. Ces choses doivent s'arrêter au nom de Jésus. Si tu as des problèmes de maternité, de problèmes, de promesses qui n'arrivent pas, bien-aimé, c'est la nuit. Waouh. La nuit, tu as la capacité de retenir l'ange. Tu as la capacité de retenir les grâces de Dieu. Tu as la capacité. Oh, c'est pourquoi nous allons entrer en prière. Ça, c'est notre premier sujet de prière. Je veux que tu commences à prier. C'est la nuit que les choses que Dieu a prévues pour toi puissent se réaliser. Cette nuit, pas demain, avant l'aurore, cette nuit, bien-aimé, cette nuit, ces choses doivent se réaliser au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, commence à prier. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie. Ça ne va pas m'échapper. Ça ne va pas m'échapper. Ça ne va pas quitter ma maison sans laisser des traces. Ta présence cette nuit dans ma vie. Ta présence cette nuit dans cette église. Ta présence cette nuit dans mes affaires, dans mes enfants. Ta présence cette nuit dans ma vie doit laisser des traces. Oh, la guérison ne va pas m'échapper. La délivrance ne va pas échapper à mon frère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Non, non, tu n'es pas passé sans laisser Isaac. Tu n'es pas passé sans laisser Isaac. Cette nuit, tu ne vas pas passer dans la vie de mon frère sans lui laisser Isaac. Tu ne vas pas passer dans la vie de mon frère sans lui laisser la bénédiction. Cette nuit, oh, alors qu'il est malade, laisse-lui la guérison. Alors qu'il cherche un enfant, laisse-lui Isaac. Alors qu'il cherche du travail, laisse-lui le travail. Tu ne vas pas passer, c'est la nuit, c'est la nuit. Jacob, c'était un homme comme moi, c'était un homme faible, un homme à problème, mais tu l'as béni la nuit. Oh, je crois, Seigneur, aujourd'hui, mon frère, ce frère-là, cette nuit aussi, ne va pas passer, ne va pas passer. Oh, tu ne vas pas échapper à le bénir. Ora babosek, hikema lebus, raya maketo robus, raya papa basal, hikera bus, yara masal, hibrosak, hinderebusak, hinderebuta, yara basak. Cette nuit, laisse la bénédiction dans cette maison. Laisse la bénédiction dans la vie de ce frère qui souffre de femme de nuit. Oh, cette soeur qui souffre de mari de nuit. Cette soeur qui cherche un enfant. Ce frère qui est malade. Au nom puissant de Jésus, cette nuit, ce frère qui cherche le travail. Cette nuit, ce frère qui pleure parce qu'il est meurtri par des situations. Oh Seigneur, cette nuit, nous avons affaire à toi. Nous avons affaire à toi. Nous avons affaire à toi. Nous avons affaire à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons affaire à toi. Nous avons affaire à toi. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Tu vas sans laisser quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, au nom de Jésus. Oh bien-aimé, je t'encourage de prier pour ta maison. La nuit donne des résultats. La nuit donne des résultats. Oh bien-aimé, la nuit donne des résultats. La nuit donne des résultats. Vous savez, la Bible dit, sa parole ne peut pas rentrer s'il n'a pas produit ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Donc l'ange ne peut pas rentrer s'il n'a pas laissé ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans ta vie. Oh, cette parole que tu reçois, cette nuit, parce que Dieu l'a libérée, elle va produire ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Si c'est des promesses, non. Les promesses, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle n'est pas passée, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Oh bien-aimé, cette parole doit habiter dans ta vie avec la grâce de la guérison. Elle doit habiter dans ta maison avec la grâce de la délivrance. Elle doit habiter dans tes affaires avec la grâce de l'élévation. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Deuxième sujet de prière, parce que c'est une heure de prière. On a demandé à Jacob, quel est ton nom? Il a dit, Jacob dit non. Il a cité l'ancienne vie. Tu lui dis non. Je change ton identité. Tu auras une nouvelle vie. Oh bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu veut changer l'identité de quelqu'un. Tu es venu, c'est vrai, avec l'ancienne vie. Tu es venu, c'est vrai, avec les anciens problèmes. Mais Dieu veut changer ton identité. Mais la confiance et la foi en Dieu, il veut changer ton identité. C'est pourquoi tu vas prier. Nous allons prier, toi et moi. que finies les anciennes choses. Les choses, vous savez, Jacob signifie usurpateur. Son frère le connaissait comme ça. Laban le connaissait comme ça. Sa famille le connaissait comme ça. Je ne sais pas comment ta famille te connaît. Comment tes frères te connaissent. Mais ce soir, je veux te donner une nouvelle identité. Vous savez, c'est l'identité qui va te positionner. Ta nouvelle identité va te positionner à ton nouveau rang. Alors nous allons prier, toi et moi. Seigneur, je refuse l'ancienne identité. Je refuse les anciennes mauvaises choses. Maintenant, je déclare sur ma vie cette nouvelle identité d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu. Oh, parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12, vers la fin, il dit, lesquels sont nés, non de la volonté du sang, ou de la volonté de la chair ou d'un homme, mais de la volonté de Dieu. La nouvelle identité vient de Dieu. J'aimerais que tu pries toutes les personnes qui ont rencontré Dieu. Quand Dieu change le nom, leur vie change. Abraham est devenu Abraham. Saraï est devenue Sarah. Oh bien-aimé, Dieu change par rapport à ce qu'il veut te donner. Alors nous allons élever nos voix. Tu vas commencer à prier. Tu dis, je refuse les anciennes choses. Maintenant, Seigneur, une nouvelle identité pour ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Les anciennes choses, telles qu'elles sont, nous connaissons. Aujourd'hui, ça s'arrête. Ça s'arrête aujourd'hui. Les échecs, telles qu'elles sont, nous connaissons. Ça s'arrête, Seigneur. Tu nous donnes une nouvelle identité. Tu as donné à Abraham un nom nouveau. Un nom nouveau. C'est une nouvelle carte d'identité. Un nouveau passeport. Et hey, Jéhovah. Merci, Seigneur. Il y a des gens, nous sommes là pour recevoir une nouvelle identité. Nous sommes là pour recevoir un nouveau passeport avec une nouvelle identité pour nous introduire dans les pays où on ne pouvait pas partir, pour nous introduire dans des dimensions où on ne pouvait pas aller. Oh, nous sommes là, je refuse tel que les hommes me voyaient avant avec cette identité de faiblesse, cette identité d'usurpateur. Je refuse maintenant, Seigneur, une nouvelle identité. Je prie, je prie, je prie, je prie au nom de Jésus pour ce frère-là. Oh, bien-aimé, ton ancienne identité t'a fait souffrir, t'a fait souffrir. Il y a des gens même. Le nom, oh alléluia. J'aimerais que tu commences à prier même pour ton nom de famille qui t'a fait souffrir, qui t'a fait souffrir. Je prie, Seigneur, il y a des familles où on a donné des drôles de noms qui font souffrir jusqu'aujourd'hui. Les gens pleurent, ils ne savent pas pourquoi ils pleurent, mais à cause des noms qu'ils portent, à cause des noms qu'ils portent, ils portent des noms de chefs coutumiers, ils portent des noms de reines dans les mondes des ténèbres. Ce soir, ces noms-là sont annulés. Dieu te donne une nouvelle identité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais, nous sommes en prière, que tu prennes encore sous le poids. Il y a des gens pour qui le nom c'est un poids. Ils portent un poids qu'ils ne peuvent supporter. Un poids qui amène des preuves. Oh merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, le poids de nos noms, le poids de nos noms, que nos vies ne supportent plus, qui nous amène des problèmes. Ce soir, je les décharge, je les annule au nom de Jésus. Parce que je porte un nom nouveau. Un nom nouveau. Je suis né, non de la volonté de la chair, ni des hommes, mais de la volonté de Dieu. Oh, c'est pourquoi ce soir, Je prie pour la nouvelle identité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Une nouvelle identité avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah, une nouvelle identité, une nouvelle identité, une nouvelle identité. Que ma maison ait une nouvelle identité, que ma vie ait une nouvelle identité, que l'église ait une nouvelle identité, que ma femme, mon mari, mes enfants, mon grand frère, mon petit frère, une nouvelle identité au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Agis, Seigneur, agis, Seigneur. C'est la nuit, c'est la nuit. Ça ne doit pas attendre demain. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est ta nuit, c'est ta nuit à toi. Ce n'est pas la nuit de quelqu'un, c'est la nuit à toi. C'est ta nuit, ça va changer ta vie. Ça va changer ton identité au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, je t'ai donné un mystère. Celui que Ésaü cherchait à tuer, c'était Jacob. Ce n'était pas Israël. Quand il est sorti cette nuit-là, Ésaü voyait Israël. Il ne voyait pas Jacob. Il ne pouvait pas se fâcher contre Israël parce qu'Israël n'avait rien fait. Bien-aimé, à partir de ce soir, je déclare toutes les choses qui étaient contre toi à cause de ton ancienne identité ne pourront plus te poursuivre ni te suivre parce que Dieu est en train de changer ton identité. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail où tu es, que ce soit dans le quartier. Oh bien-aimé, même la malédiction était liée à ton ancienne identité, à ton ancien nom. À partir de ce soir, si tu le fais avec confiance au Seigneur, ces choses sont parties. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 7, tu es une nouvelle créature. Seigneur, je prie, ce frère-là, oui, lève ta main là où tu es. Cette sœur-là, lève ta main là où tu es. Oh, il a eu des problèmes à cause de son nom. Il y a des choses qui le poursuivaient à cause de son nom. Il y a même des choses qu'il attendait dehors. Chaque fois qu'il sortait, ça le rejoignait à cause de son nom. Et on le combattait dans la vie à cause de son nom. Mais ce soir, cette nuit, tu as changé d'identité. Ces choses-là ne vont pas les retrouver. Je les déclare. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, pour terminer, j'aimerais que tu pries. Que Dieu te donne un nouveau rythme. Un nouveau rythme. Et tu vas nous témoigner. N'oublie pas, vendredi, nous aurons encore une nuit de prière. Envoie un témoignage de ce que Dieu aura fait pour toi. Seigneur, merci. Ce n'est pas un homme qui a bougé les hanches de Jacob. C'est toi, Dieu, qui a modifié sa démarche selon que tu le voulais. Je prie maintenant, au nom de Jésus, modifie les démarches de bouger, le rythme de marché, le rythme de business, le rythme de la vie familiale, le rythme de l'église, le rythme des enfants. Modifie, oh Rakabo Sharap, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Modifie. Modifie, donne un nouveau rythme, un nouveau rythme, un nouveau rythme. Seigneur, je te bénis, Je te bénis ce soir. Je te bénis cette nuit. Je te bénis cette nuit. Oh, c'est pourquoi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la nuit, j'annule tout ce qui nous bloquait dans l'ancien rythme. Au nom puissant de Jésus, parce qu'avec Dieu, nous changeons de rythme de vie, de rythme de business, de rythme de mariage, de rythme des études. Oui, tu vas changer le rythme de tes études. Dieu va te donner un nouveau rythme. Les gens seront étonnés. Je les déclare sur ta vie, sur tes études. Je les déclare dans ton travail, dans ton business, au nom puissant de Jésus. Et je prie maintenant, quand le rythme change, Dieu va te donner un nom nouveau. Un nom nouveau. Un nom nouveau. Vous savez, le nom est venu après qu'il ait retenu l'ange. Oh, bien-aimé, si tu retiens Dieu dans ta vie, si tu ne laisses pas passer la parole de Dieu dans ta vie, tu auras une nouvelle identité. C'est pourquoi je prie ce soir que le Seigneur puisse t'aider à avoir une nouvelle identité. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour cette nuit. Remercie le Seigneur parce que la nuit, oh bien-aimé, c'est des choses merveilleuses. Élève ta voix. Ensemble, nous remercions le Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta présence cette nuit. Merci pour les choses que tu réalises cette nuit. Dans nos vies, dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans les vies des églises. Ça, j'aime parce que quand nous allons quitter, c'est d'autres personnes avec un nouveau nom. Avec un nouveau nom. C'est pourquoi la Bible me dit dans Ésaïe, on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera, fixera, pas la bouche des noms. Oh mon frère, à partir de ce soir, Dieu va déterminer une nouvelle identité, un nouveau nom. Parce que le nom, c'est l'identité de la personne. Même au tribunal, on appelle quelqu'un par son nom. Donc, le Jacob, quand on l'appelait, il ne répondait plus. Il n'était plus là. Il est mort. Mais c'était Israël. On ne pouvait plus le juger ni le condamner. On ne va plus te condamner. On ne va plus te juger. Parce que Dieu t'a donné une nouvelle identité. Crois en ces choses. Mets ta foi en action. Bien-aimé, tu vas expérimenter de grandes choses. Le Dieu qui m'a appelé au ministère sera ton Dieu. Tu vas témoigner, tu vas envoyer ton témoignage pour dire Dieu a fait de grandes choses. Je te remercie, toi mon frère, toi ma soeur, pour le moment que tu as pris cette nuit encore. Il y a plusieurs qui nous suivent sur les plateformes. Je vais vous remercier. Vous sacrifiez vos nuits pour chercher la face de Dieu. Dieu ne va pas passer sans vous bénir, sans laisser. C'est pourquoi il est venu dans votre maison. Comme Jacob, Dieu va te bénir. Et il ne va pas quitter sans changer l'identité, le nom. Il va enlever le poids de l'ancien nom. Il va détruire l'ancien nom. Il va changer l'ancien nom. Tout ce que tu veux, ce sera une nouvelle personne. Le monde sera étonné. Une nouvelle personne, c'est une nouvelle vie. Je déclare qu'à partir de ce soir, tu commences une nouvelle vie dans ta vie, si tu veux. Une nouvelle vie. Et la grâce de Dieu va t'accompagner. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu vous bénisse cette nuit. Nous allons nous arrêter par ici. Demain, ça sera pendant la journée à partir de 17h. Jeudi aussi à partir de 17h. Et vendredi, nous allons faire et à 17h et la nuit pour clôturer. Alors, c'est des moments, bien aimé, une semaine spéciale qui va impacter ta vie. Que Dieu puisse te faire grâce. Demain, pendant la journée, nous continuons avec les autres résultats et vendredi, nous allons faire la récapitulation et nous allons prier. Alors, je prie pour toi. Seigneur, je bénis la nuit de mon frère parce que c'est une nouvelle personne. Il ne va plus vivre les poids de l'ancien nom. Il va commencer une nouvelle vie. Donne-lui un sommeil paisible et tranquille. Toutes les forces des ténèbres qui attaquaient son nom, sa maison, c'était l'ancien nom, l'ancienne maison. Mais maintenant, une nouvelle vie. Merci Seigneur. Que ta nuit soit bénie. Que tes enfants soient bénis, ta femme, ton mari, tes affaires. Que l'église soit bénie. Commence une nouvelle marche au rythme que Dieu a fixé. Seigneur, je le recommande entre tes mains. Je déclare que ta parole ne va pas quitter sa vie sans laisser ce pourquoi tu l'as envoyé. C'est pourquoi je te dis merci pour tes grâces et tes faveurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Bonne nuit et à demain à 17h.